partir de rien, à partir de tout. Nous sommes nés de poussière et de rêve, des fragments de la terre unis par la trêve, des morceaux d'étoiles, des rivières et des bois reconstitués en être. Et c'est la loi. Nous sommes la terre, en nous elle vit, des papillons, des plantes, des ruisseaux, des cris. De rien nous sommes partis, ensemble nous grandissons, dans chaque cellule, la vie nous façonne. De requins, des plumes d'oiseaux, des rochers, des ruisseaux, des feux et l'eau, nous sommes la rivière, le reflet de la nature entière, des êtres complexes unis par la lumière. Nous sommes la terre, en nous elle vit, des papillons, des plantes, des ruisseaux, des cris. De rien, nous sommes partis, ensemble nous grandissons, dans chaque cellule, la vie nous façonne. Des loups et des arbres, des montagnes et la mer, nous portons en nous l'histoire de la terre. Des instructions cachées dans une hélice double. Nous sommes le miracle, la vie qui se redouble. La vie qui se redouble. Nous sommes la terre, en nous elle vit, des papillons, des plantes, des ruisseaux, des cris. De rien nous sommes partis, ensemble nous grandissons, dans chaque cellule, la vie nous façonne. Fragments de vie, des morceaux de passé, nous sommes le présent, le futur à tracer, des cellules unies, des rêves à partager, nous sommes la terre, en nous, elle est gravée. Nous sommes la terre, en nous elle vit, des papillons, des plantes, des ruisseaux, des cris. De rien nous sommes partis, ensemble nous grandissons, dans chaque cellule la vie nous façonne. Papillons, des plantes, des rochers et des bois, nous sommes le reflet de ce qui fut autrefois, des morceaux de vie, des fragments d'univers, nous sommes la terre, en nous, elle est lumière. Nous sommes la terre, en nous, elle vit, des papillons, des plantes, des ruisseaux, des cris. De rien nous sommes partis, ensemble nous grandissons, dans chaque cellule, la vie nous façonne. Des feux, des montagnes, la mer, nous portons en nous l'histoire de la terre, des instructions cachées dans une hélice double, nous sommes le miracle, la vie qui se redouble.